C'est vous qui avez planifié l'invasion de la Tchécoslovaquie en 1968, c'est bien ça. Le meilleur stratège d'entre nous, camarade. Le socialisme, qui était très attractif, il a perdu beaucoup de son attractivité et de sens. Jean Clémentin. En février 2022, les Français apprenaient avec stupeur que cet ancien journaliste du Canard enchaîné avait été pendant plus de 10 ans un agent de la Tchécoslovaquie communiste. On parlait de taupe en début de journal. Eh bien, le Canard enchaîné avait la sienne. C'était l'une des grandes plumes du journal des années 60 aux années 80. Jean Clémentin. Digne d'un polar au cœur de la guerre froide entre l'Est et l'Ouest. C'est celle d'un journaliste du Canard enchaîné qui travaillait en même temps comme espion pour les services secrets de la Tchécoslovaquie. Tous ses collègues le surnommaient Tintin, mais pour les services secrets tchèques, il s'appelait Pipa. C'est Vincent Jauvert de l'Obs qui a sorti l'affaire, grâce aux informations fournies par un historien tchèque, Jan Koura, spécialiste des services secrets de son pays. Dans de vieilles archives, l'historien avait découvert qu'un Français, un certain Pipa, agent numéro 41582, avait travaillé pour Prague il y a plus de 50 ans, aux pires heures de la guerre froide. L'historien n'eut pas de mal à remonter le fil et à déceler qui se cachait derrière ce nom de code et ce numéro. Depuis longtemps, il existait des soupçons que des journalistes français avaient collaboré avec des pays communistes. Pour la première fois, on en avait la preuve. Jean Clémentin, nom de plume Jean Manant, a été longtemps une figure du tout Paris politique et mondain. Aussi à l'aise dans les couloirs du Parlement que dans les antichambres des ministères et de l'armée, il était un des plus célèbres journalistes français des années 60-70. Jean Clémentin connaissait tout le monde et ses articles au vitriol étaient aussi attendus du public que redoutés du pouvoir. C'est lui qui, au fil des années, a fait du Canard satirique un véritable hebdomadaire d'investigation à l'américaine. Au physique, les photos de lui et ses apparitions à la télé nous montrent un personnage en apparence sympathique, la bouille gourmande, le sourire malicieux, la pipe toujours à la bouche. Le voici par exemple en 1977, invité chez Bernard Pivot dans son émission littéraire Apostrophe. À côté de vous, Jean Manant, chroniqueur littéraire au Canard enchaîné, sous votre vrai nom Jean Clémentin, lettre romancier. Je rappelle le dernier titre, c'était un titre qui était très long. La France, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et puis là, cette fois, vous avez pris un titre très court. C'est Pinarque, aux éditions Jean-Claude Lattès. Il est venu parler de son roman Pinarque, qui n'a pas laissé un souvenir impérissable, l'histoire d'un personnage imaginaire, un homme politique aux visées autoritaires. Bon, Pinarque, un grand destin politique, donc il est nommé capitoule de Paris, mais il faut dire qu'il n'est pas seul, parce qu'il y a des gens qui l'assistent. Par exemple, il y a un nommé Roubignot et Lulu Clitol. Oui, c'est ça, oui. Ce sont ces deux conseillers, Toine Roubignot, c'est un vieil espion d'autrefois, n'est-ce pas, qui est un homme sérieux, qui est un faiseur de roi, un peu, n'est-ce pas. Alors il essaye de promouvoir le destin politique de son fils spirituel, qui est Pinarque. Et il a une conseillère personnelle qui s'appelle Lulu Clitol, qui est une femme de tête. Mais on l'ignorait. Ce journaliste bon vivant et rigolo, romancier à 16 heures, avait une double vie. D'abord celle assez banale d'un homme marié qui collectionne les maîtresses. Mais surtout, plus dangereuse, la double vie d'un espion au service d'une puissance étrangère ennemie. Sous le nom de code Pipa, autrement dit Robinet en tchèque, tout un programme, Jean Clémentin, pendant des années, plusieurs fois par mois, retrouvait dans des cafés parisiens son officier traitant pour recevoir des instructions ou pour lui remettre des documents confidentiels. C'est ainsi que de 1957 à 1969, le journaliste français a travaillé pour le STB, les services secrets de la République socialiste tchécoslovaque. Ce régime communiste était né au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, quand, sous la pression de l'Union soviétique, le Parti communiste tchécoslovaque avait pris le pouvoir à Prague de manière tout sauf démocratique. C'est ce qu'on a appelé le coup de Prague en février 1948. Deux mois plus tard, les jeux étaient faits. La crise tchécoslovaque est finie. À l'appel des sirènes, les ouvriers rassemblés par le Parti communiste se sont rendus en bon ordre au rendez-vous que leur avait donné sur la place de l'Hôtel de Ville le ministre Gottwald, leur chef. Du balcon de l'Hôtel de Ville, M. Clément Gottwald, dans le but d'éliminer les ministres non communistes, a appelé ses partisans à l'état d'alerte et pressé la création de comités chargés d'appuyer son action. Au Radjin, palais des anciens souverains, le président Beneš, après de longues hésitations, a accepté la formation d'un gouvernement dirigé par le Parti communiste. Les Tchécoslovaques étaient désormais enfermés derrière le rideau de fer, comme les autres pays du bloc de l'Est. Sur le modèle stalinien, un régime autoritaire, extrêmement répressif, se mettait en place qui allait perdurer jusqu'à la révolution de velours en 1989. Les biens étaient nationalisés, la presse muselée, les opposants politiques arrêtés, voire condamnés à mort. Les prêtres qui refusaient de prêter serment à l'État étaient emprisonnés. L'épisode le plus emblématique du régime fut le procès de Prague en 1952, autrement appelé « procès Slansky », du nom du principal accusé. Le 20 novembre, devant la cour d'État de Prague, s'est ouvert le procès du centre de conspiration contre l'État. Une bande de parias, de traîtres, de trotskistes sionistes, d'ennemis du peuple tchécoslovaque et de notre démocratie populaire dirigée par Rudolf Slansky. Un procès dans le plus pur style stalinien qui visait à éliminer 14 cadres du parti accusés d'espionnage, de trotskisme ou de sionisme sur la base d'aveux extorqués qui n'avaient en réalité aucun fondement. La majorité des accusés furent condamnés à mort et pendus. Ce procès au retentissement mondial jetait une lumière crue sur la réalité du régime. À l'Ouest, donc, pour qui le souhaitait, il était simple de savoir. Pour n'importe qui, a fortiori pour un journaliste. C'est pourtant ce régime que, 7 ans plus tard, Jean Clémentin choisira de servir. Mais comment expliquer qu'une des meilleures plumes du Canard enchaîné, cet hebdomadaire satirique si soucieux de son indépendance, véritable symbole de la liberté d'expression, ait pu se vendre à un des régimes totalitaires les plus sinistres et les plus criminels du bloc de l'Est? Motivation politique, appât du gain, obscur désir de transgression. Il faut remonter dans la jeunesse de Jean Clémentin pour tenter de dénouer les fils. Jean Clémentin est né en 1924 en Normandie dans une famille catholique et conservatrice qui, sans grande surprise, l'envoie faire sa scolarité chez les jésuites. Les notices biographiques concernant son enfance sont floues. Son père est soit un agriculteur, soit un officier à la retraite. En tout cas, le jeune homme semble avoir avec lui une relation conflictuelle. Pourtant, le futur espion communiste n'a encore rien d'un rouge. Lui-même reconnaîtra avoir eu dans sa jeunesse des opinions quasi-fascistes. Ceci explique-t-il cela? Sous l'occupation à la fin de la guerre, Clémentin serait parti en Allemagne comme travailleur volontaire. C'est du moins ce qu'affirme un rapport des renseignements généraux de la préfecture de police. On en sait plus sur le Clémentin d'après-guerre. En 1950, le jeune homme, qui n'a pas vraiment fait d'études, part en Indochine. « Un peuple qui s'est obstinément opposé à la domination française pendant plus de 80 ans, ce peuple a le droit d'être libre, ce peuple a le droit d'être indépendant. Pour ces raisons, nous, membres du gouvernement provisoire de la République démocratique du Vietnam, proclamons solennellement au monde entier, le Vietnam a le droit d'être libre et indépendant, et en fait, est devenu libre et indépendant. En 1945, Ho Chi Minh proclamait l'indépendance de l'Indochine, cette colonie d'Extrême-Orient qui s'est dressée contre son colonisateur français. Rapidement, le soulèvement s'est transformé en conflit de la guerre froide, opposant occidentaux capitalistes et communistes du Viet Minh, soutenus bientôt par la Chine de Mao. En 1950 donc, Jean Clémentin part en Indochine avec l'armée. Mais pas pour faire la guerre. Pistonné par son oncle, il est pendant 3 ans reporter à l'agence de presse de l'état-major. Avec un commando parachutiste, nous survolons en ce moment cette zone frontière du Haut-Tonkin où nos troupes se sont maintenues 5 ans. Nous assistons quelques jours avant l'évacuation au dernier parachutage au-dessus de Cao Bang. L'épisode indochinois est doublement décisif pour Jean Clémentin. C'est là-bas qu'il découvre et apprend sur le tas le métier qui sera le sien toute sa vie, journaliste. Il y révèle sans doute un certain talent, puisque rapidement il est engagé par l'agence Associated Press. 300 mots pour Dakar. Et maintenant nous allons passer à l'Indochine, 700 mots à envoyer immédiatement, car nous sommes maintenant en émission sur l'Outre-mer. Mais l'Indochine, pour Clémentin, c'est aussi la découverte de l'armée, de la réalité coloniale dans toute sa violence, et l'occasion d'un revirement politique profond. Le jeune Français choisit son camp, ce sera le Viet Minh, le combat contre l'impérialisme et pour le socialisme. En Indochine, Clémentin est surveillé par la police, qui enquête sur lui pour participation volontaire à une entreprise de démoralisation de l'armée et de la nation. Mais l'affaire n'ira pas plus loin. En toute logique, quand Clémentin rentre en France, c'est au journal Libération qu'il offre ses services. Le premier Libération, le journal clandestin créé sous l'occupation par Emmanuel d'Astier de la Vigerie et qui, après-guerre, est devenu un grand quotidien de gauche, financé de manière occulte par le Parti communiste français. Jean Clémentin, qui écrit également pour Combat et les Temps modernes, la revue de Sartre et Beauvoir, est désormais un journaliste de gauche et ne s'en cache pas. Mais en 1954, il va basculer dans autre chose. Cette année-là, il fait la rencontre d'un diplomate de l'ambassade de Tchécoslovaquie à Paris, le camarade Krajicek, qui travaille en réalité pour les services secrets. La discussion entre eux est cordiale, décontractée, et de fil en aiguille, l'air de rien, l'espion tchécoslovaque réussit sans trop de mal à convaincre le journaliste de travailler pour lui. Juste à titre de contact confidentiel. Jean Clémentin, 30 ans, a-t-il conscience qu'il vient de mettre le pied dans un dangereux engrenage? Dangereux, mais probablement excitant aussi, celui de l'espionnage, auquel il prendra goût. Grâce à ses contacts dans l'état-major, Jean Clémentin apporte à son officier traitant des renseignements sur l'armée française en Indochine. Krajicek se frotte les mains. Mais ces informations auront-elles des conséquences militaires? On n'en sait rien. En tout cas, en avril 1954, l'assaut mené à Dien Bien Phu par le Viet Minh sera décisif. De Dien Bien Phu, la cuvette encerclée du pays Thaï, viennent d'arriver ces images, prises à quelques heures de l'assaut général du Viet Minh par 2 reporters qui devaient être blessés au cours de l'engagement. Il s'agit là d'un des raids les plus violents lancés du camp retranché pour desserrer la pression Viet Minh. Le 7 mai 1954, la prise de Dien Bien Phu par le Viet Minh, vécue comme une humiliation par l'armée française, marque la fin de sa présence en Indochine. Jean Clémentin est sans doute heureux de cette victoire Viet Minh. Mais il ne s'arrête pas là. Avec ferveur, refusant toute rémunération, le journaliste va poursuivre son espionnage en faveur du camp communiste. En novembre 1956, le soulèvement populaire en Hongrie, autre pays du bloc de l'Est, est écrasé dans le sang et les larmes par l'armée rouge. police secrète s'alliait aux forces soviétiques. Face à leurs canons et à leurs chars, le peuple luttait en des combats de rue acharnés. Ils avaient tous 20 ans, croyant en la dignité de l'homme. Budapest enterre ses morts, ses martyrs et ses héros. Contrairement à beaucoup de compagnons de route du Parti communiste, Jean Clémentin n'est en rien ébranlé par les événements de Budapest. À son officier traitant, il continue d'affirmer son admiration pour les démocraties populaires et son espérance qu'un jour la France en fera partie, même si cela doit se réaliser au prix d'une invasion russe. C'est vrai, après tout, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Mais quand son officier traitant lui demande s'il n'a jamais été tenté d'adhérer au Parti communiste, Clémentin répond. Je n'ai aucune envie de me lever tôt le dimanche pour aller distribuer des tracts ou vendre l'UMA. Non, son engagement politique à lui, c'est l'espionnage. Pourtant, l'activité des services secrets tchécoslovaques, elle, n'est pas que politique. S'il le juge nécessaire, il n'hésite pas à tuer. En 1957, sur ordre du KGB soviétique, quatre agents du STB montent un attentat en Alsace. Le 4 mai 1957, un petit colis, selon toute apparence une boîte de cigares, arrive à la préfecture du Bas-Rhin. Le STB sait qu'une réception doit y être donnée, réunissant des personnalités européennes. Ce soir-là, pourtant, on oublie d'offrir les cigares. Mais trois jours plus tard, l'épouse du préfet, Henriette Trémaux, a la mauvaise idée d'ouvrir la boîte qui contient 200 grammes de peroxyde d'acétone. En un instant, elle meurt déchiquetée par la violente explosion. Le lendemain, le ministre de l'Intérieur est sur place. En l'état actuel de l'enquête, il n'est pas possible d'établir d'une façon précise quel est ou quels sont les auteurs de l'attentat dirigé contre le préfet du Bas-Rhin et qui a coûté la vie à Madame Trémaux, ni les motifs qui l'ont inspiré. Toutefois, les premières constatations conduisent à envisager une corrélation entre l'attentat et la réception de lettres de menace par un certain nombre de collègues de Monsieur Trémaux au moment où celui-ci recevait la boîte de cigares contenant un explosif. L'attentat est d'abord attribué à des néo-nazis allemands. En réalité, cette fausse piste a été inventée par le STB pour mettre à mal la coopération franco-allemande et la construction de l'Europe. Mais cela, on ne le saura qu'après la chute du communisme et l'ouverture des archives du STB. Notre espion Jean Clémentin a-t-il eu vent de cette affaire? On n'en sait rien. En tout cas, en 1957, son activité d'espionnage monte d'un cran quand l'agent désintéressé qu'il était accepte de se faire payer. Ma situation financière n'est pas bonne. J'aimerais m'acheter un appartement, mais je n'y arrive pas. J'aimerais bien aussi une voiture. J'en ai assez de circuler dans Paris à scooter. Et il y a autre chose. C'est du moins ce qu'affirment les services tchèques. Pipa aime les femmes et ne s'en cache pas. Il nous dit qu'il a 5 maîtresses. Et il en est fier. 5 maîtresses. Il n'exagère pas un peu, l'agent Pipa. En tout cas, ce sont des maîtresses qu'il faut sans doute inviter au restaurant, à l'hôtel et couvrir de cadeaux. Tout cela forcément a un coût. Décidément, Jean Clémentin mène une vie compliquée entre adultère et espionnage. Mais les services secrets tchécoslovaques savent se montrer compréhensifs et généreux. Et, non négligeable, ils savent bien qu'un agent stipendié devient dépendant et du même coup, plus facile à manipuler. C'est donc grâce au STB que Clémentin peut s'acheter une maison à Meudon, une banlieue bourgeoise près de Paris. Et adieu le scooter. Désormais, Pipa peut pétarader dans la capitale avec sa 2 chevaux flambant neuve. Et pour le STB, toutes ces dépenses en valent la chandelle. Car ce journaliste au carnet d'adresses bien garni a ses entrées partout. Que ce soit au Quai d'Orsay, dans l'armée, au SDEC, les services secrets français, ou à l'OTAN, dont le siège est alors à Paris. D'autant plus qu'à la fin des années 50, Jean Clémentin entre au Canard enchaîné, le fameux hebdomadaire satirique dont il deviendra bientôt le chef du service politique. Une magnifique promotion et une excellente nouvelle pour le STB. À cette époque, le Canard enchaîné consacre une grande partie de ses colonnes au sujet qui intéresse le plus les Français, la guerre d'Algérie. Jean Clémentin, fervent antimilitariste et anticolonialiste, fait partie des rares journalistes du Canard à se rendre sur place. À l'époque, les journaux tentent, malgré la censure militaire, de rendre compte de la situation des appelés, ces jeunes hommes qui sont envoyés faire la guerre alors qu'ils font leur service militaire, même à l'ORTF. C'est en effet sur ces images prises pour la première fois parmi les hommes d'une compagnie opérationnelle à l'Algérie que nous avons tenu à ouvrir ce premier numéro de 5 colonnes à la une. L'Algérie, où vivent et se battent des milliers et des milliers de jeunes gens de France, les appelés. Dans le Canard, c'est la rubrique « L'ami des Bidas », souvent signée par Jean Manant, le pseudo de Clémentin, qui raconte le quotidien sordide des soldats français engagés en Algérie. Avec l'ami Bidas, on se quitte jamais, attendu qu'on ait tout de avec humour, forcément, c'est la règle au Canard, mais aussi avec des détails si précis que les autorités militaires en viennent à enquêter sur l'origine des sources de l'hebdo satirique. Bien sûr, on le sait, Jean Clémentin a ses entrées dans l'armée, mais il a aussi des informateurs en Algérie. Grâce à ses amis du STB, on ne le sait pas. À partir des années 60, Jean Clémentin ne se contente plus de fournir aux Tchèques des renseignements. Il participe désormais à plusieurs opérations actives de désinformation. La chose semble impensable. Le chef du service politique du Canard enchaîné, ce journal qui a construit sa renommée sur son indépendance, il va signer de son nom et publier des articles commandés et dictés par le STB et à travers lui, le KGB d'Union soviétique. Paris, 19 septembre 1963. Jean Clémentin entre au Pasteur, un café non loin de Montparnasse, un quartier qu'il affectionne particulièrement. Comme d'habitude, respectant la procédure, le journaliste espion a mis 2 heures à arriver à son rendez-vous, histoire de semer d'éventuels suiveurs. Dans l'atmosphère enfumée, il retrouve à une table Motel, son officier traitant du STB. Celui-ci a une mission très délicate à lui confier. Nom de code, opération Narcisse. Jean Clémentin devra publier un document fabriqué par le STB, un faux testament politique de Konrad Adenauer. Adenauer, le grand chancelier ouest-allemand de l'après-guerre, l'homme politique qui, avec De Gaulle, a renoué l'amitié entre la France et l'Allemagne, les deux ennemis d'hier. Mais en 1963, Adenauer, 86 ans, a été contraint à la démission suite à des divisions au sein de son parti chrétien-démocrate. Ses adversaires lui reprochent une politique trop favorable à la France, pas assez pro-américaine. Inter, actualité. Au micro, Robert West. Des nouvelles de l'étranger. Ce soir, à minuit, Konrad Adenauer ne sera plus le chancelier Adenauer. Le Parlement fédéral lui a fait ses adieux aujourd'hui. Le docteur Adenauer, en jaquette, est resté debout au banc du gouvernement pour écouter l'éloge du président du Bundestag, M. Gerstenmayer. Après cet éloge, le député Adenauer a pris sa place à son banc dans la première travée du groupe chrétien-démocrate. 2 semaines après le rendez-vous au café, Jean Clémentin va donc publier dans le Canard enchaîné « Le testament de mon Konrad ». Un article au style très caustique, comme il se doit, agrémenté de jolis coin-coin, où le journaliste évoque, je cite, « les combines mises au point entre les deux vieux messieurs ». Comprenez Adenauer et De Gaulle. L'objectif du STB, et à travers lui le KGB, est de semer la zizanie chez les chrétiens-démocrates allemands et du même coup, d'affaiblir la construction européenne. L'article ne provoquera pas le scandale escompté. Mais l'agent Pipa reçoit tout de même 4000 Deutschmark, une belle somme. En juillet 1964, autre opération de désinformation. Clémentin, sous son nom de plume Jean Manant, signe dans le Trou à Rats, un article où il révèle de pseudo-menées américaines en Éthiopie contre les intérêts français. Des infos bidons, bien sûr, fournies par le STB, qui vise cette fois à détériorer les relations franco-américaines. Motel prévient l'agent Pipa. Si on vous demande quelles sont vos sources, vous répondez que vous avez été averti par des lettres anonymes. Entre deux actions de désinformation, l'agent Pipa continue de fournir à Motel des renseignements sur la vie politique française. La santé de De Gaulle est un sujet qui intéresse beaucoup l'Union soviétique. Justement, en avril 1964, le président de la République française subit, dans le plus grand secret, une opération de la prostate. Pour l'anecdote, un lit de 2 mètres avait été installé exprès pour le grand homme dans sa chambre d'hôpital. Ce n'est que le lendemain de l'opération que les Français et le monde apprennent la nouvelle. L'état du général de Gaulle est très satisfaisant, déclare-t-on ce soir dans les milieux autorisés. Excepté les médecins et les infirmiers, qui refusent bien entendu de faire toute déclaration, seuls Philippe, le fils du général, et Madame de Gaulle ont l'occasion d'approcher le chef de l'État. À l'étranger, même surprise que chez nous hier. Les télégrammes de vœux émanant des chefs d'État et de personnalités affluent depuis hier. Le message du président des États-Unis était accompagné d'une gerbe d'orchidées. Mais ces communiqués officiels ne suffisent pas à Moscou. Quelques mois plus tard, toujours lors d'un rendez-vous dans un café parisien, l'agent Pipa fournit au STB des éléments sur l'état de santé du général. J'ai eu ces renseignements grâce à un ami avocat. C'est le fils du médecin qui a opéré le général de la prostate. Les sources de Pipa semblent fumeuses. Il n'empêche, Motel, visiblement satisfait, glisse 2 billets de 500 francs dans la main de Clémentin. Le tchèque et le français se séparent, jusqu'au prochain rendez-vous. À la longue, ils vont se rencontrer plusieurs fois par mois pendant 12 ans, les deux hommes vont lier une relation presque amicale. Un jour de 1965, Clémentin, contrevenant aux règles élémentaires de sécurité, n'hésite pas à inviter son officier traitant chez lui, à Meudon. Pipa était de très bonne humeur. Il m'a fait visiter la maison de la cave au grenier et m'a présenté des plans d'aménagement. C'est la moindre des politesses, pourrait-on dire, car, rappelons-le, la maison de Meudon a été financée par le STB. Et le même jour, Motel, dans un élan de générosité, propose à l'épouse de Clémentin, qui doit subir une opération chirurgicale, de prendre en charge ses frais d'hôpital, voire même de la faire opérer à Prague. Rien n'est trop bon pour son précieux agent français. Mais Pipa ne chôme pas. Quelques semaines plus tard, il est envoyé par le STB à Londres cette fois, assister à une importante réunion de l'OTAS, une assemblée de pays asiatiques alliés des États-Unis qui, à l'image de l'OTAN, lutte contre l'influence communiste. Le bon petit soldat reviendra de Londres avec un rapport détaillé sur la guerre au Vietnam et recevra 1000 francs en guise de paiement. Mais l'affaire la plus spectaculaire à laquelle Jean Clémentin va être mêlé est l'affaire Ben Barka. Mehdi Ben Barka, militant tiers-mondiste et opposant politique du roi Hassan II du Maroc. Le 29 octobre 1965, Ben Barka a rendez-vous à la Brasserie Lip sur le boulevard Saint-Germain à Paris. Alors qu'il attend à l'extérieur, à 12h15, une voiture s'immobilise. 3 hommes en sortent et en quelques secondes sautent sur Ben Barka et le jettent dans la voiture qui se sauve par la rue de Rennes. France Inter, il est 20h. Vendredi, M. Ben Barka aurait été mystérieusement enlevé devant le drugstore de Saint-Germain-des-Prés. À Paris, le ministre de l'Intérieur a assuré le frère des disparus qu'il ne s'agissait pas là d'une opération de la police française. On incline à penser qu'il s'agit plutôt d'un enlèvement perpétré par des ennemis personnels ou politiques du chef de l'UNFP. En tout cas, les frontières sont surveillées. C'est la dernière fois qu'on voit l'opposant marocain. Son corps ne sera jamais retrouvé. L'enlèvement, sans doute commandé par les autorités marocaines, devient une affaire d'État quand on apprend l'implication de deux policiers français. Mais près de 60 ans après, la vérité sur l'enlèvement n'a toujours pas été faite. Cette affaire à rebondissement qui passionne les Français va pendant des années alors faire les choux gras du Canard enchaîné. Et Jean Clémentin va y jouer un rôle important, avec bien sûr en coulisses le STB qui tire les ficelles. Moins de 2 semaines après la disparition de Ben Barka, la direction du STB à Prague lance l'opération START. L'objectif de cette campagne internationale de désinformation, 11 pays dont la France sont concernés, est de montrer l'implication des services secrets américains dans l'enlèvement. Le 17 novembre 1965, grâce aux éléments fournis par son officier traitant, Clémentin sort dans le Canard un article intitulé « La guerre du Rififi, c'est la fête à Pépé ». On peut y lire « Question pénétration Yankee, les services spéciaux marocains sont au-delà de toute comparaison ». Non seulement le régime d'Hassan II est policier, mais sa police et ses services spéciaux sont entre les mains de la CIA américaine. Un mois plus tard, toujours grâce à des éléments fournis par Motel et toujours grassement payé par lui, l'agent Pipa publiera dans le Canard un autre article impliquant cette fois de hauts responsables français dans l'affaire Ben Barka. Cette mesure active, comme on dit au STB, est la dernière réalisée par Jean Clémentin. Pendant plusieurs années, il continue à fournir aux Tchèques des renseignements, mais de moindre importance. Le STB continue de le rétribuer, en argent, mais parfois aussi en caisse de bière Pilsen, la bière tchèque dont Clémentin raffole. Mais au printemps 1968, un événement inattendu vient troubler le business juteux de l'espion Pipa. Son business, à défaut de sa conscience. Début 1968, le monde entier a les yeux tournés vers la Tchécoslovaquie qui vit une véritable révolution, ce qu'on appellera le printemps de Prague. Une tentative originale, démocratique et pacifique qui vise à instaurer dans le bloc de l'Est un socialisme à visage humain. Comme l'explique dans un français parfait, Jiří Pelikán, une des principales figures du printemps de Prague. Le socialisme qui a été très attractif pour notre peuple, il a perdu beaucoup de son attractivité et de sens par la violation des droits des citoyens, par la violation de la Constitution qui a été réalisée chez nous par des procès politiques et d'autres déformations politiques. Et je pense que le sens de ces événements, ce n'est pas la révolution contre le socialisme, mais au contraire, c'est la renaissance du socialisme, c'est-à-dire de donner au socialisme le vrai sens du mot pour lequel nous sommes bâtis pendant la guerre et après la guerre. Mais le 21 août 1968, au matin... Coup de force en Europe de l'Est, les troupes soviétiques, bulgares, polonaises, hongroises et est-allemandes ont envahi la Tchécoslovaquie cette nuit. Moscou affirme que c'est à la demande d'hommes d'État tchécoslovaques pour protéger le système socialiste. Il était 23h30 hier soir, heure de Prague, lorsque des troupes soviétiques et des unités d'autres pays du pacte de Varsovie ont franchi les frontières tchécoslovaques. C'est la fin du printemps de Prague. L'ordre soviétique règne à nouveau en Tchécoslovaquie. Il faudra attendre 1989 pour que l'espoir renaisse. Le monde entier est sous le choc. Et Jean Clémentin, lui, qu'éprouve-t-il ? Quelques semaines plus tard, il déclare, mollement, à son officier traitant qu'il désapprouve l'écrasement du printemps de Prague. Mais il ajoute qu'il continuera à travailler pour le STB. Ce qu'il fera, mais pas très longtemps. Son espionnage pour la Tchécoslovaquie prend fin en 1969, non pas à cause d'état d'âme, mais parce que son activité devient dangereuse pour lui. Son officier traitant, en effet, lui apprend qu'un haut responsable du STB à Prague, Ladislav Bittmann, a fait défection à l'Ouest, en emportant avec lui de nombreux secrets, parmi lesquels, sans doute, l'existence d'une taupe dans la presse parisienne. Par sécurité, l'officier traitant, tout en lui glissant 1000 francs dans la poche, annonce à Pipa qu'il faut suspendre leur collaboration. Pipa n'est pas content. Jean Clémentin, alias Pipa, n'est pas content. Mais il a de quoi se consoler. Depuis 1957, outre l'achat de sa maison à Meudon et de sa 2 chevaux, il a pu accumuler une petite fortune qu'il a eu la bonne idée de placer sur un compte en Suisse. Jean Clémentin est un révolutionnaire, mais il aime son confort. Autre raison de se consoler. En tant que rédacteur en chef du Canard enchaîné, Jean Clémentin est devenu un homme puissant et redouté. C'est lui qui, dans les années 70, va embaucher de nouveaux journalistes, donner au Canard un nouveau style, plus combatif à l'égard du pouvoir, et en faire un véritable journal d'investigation. Les Français sont plus de 500 000 désormais à acheter le Canard chaque semaine. Jean Eugène, journaliste au Canard, explique les raisons de ce succès. Le Canard enchaîné est quand même un journal de contestation. Avec esprit, certes, mais... Ah oui, incontestablement, le Canard est, depuis sa naissance, un journal de contestation. Je dis qu'il a eu, dès juillet 1916, l'esprit de mai 68. Il a toujours tout contesté. Le Canard enchaîné a connu des débuts excessivement difficiles. Il est maintenant partie intégrante de la vie politique française. Tout le monde le lit. Ah oui, parce que c'est un journal qui donne tout de même beaucoup d'informations que, je ne veux pas dire que le reste de la presse ne donne pas, mais enfin que d'autres journaux ne donnent pas. Devant les révélations qui, chaque semaine ou presque, s'enchaînent à la une du Canard et ternissent l'image des hommes politiques en place, le pouvoir s'inquiète et, encore une fois, tente de connaître les sources du journal. Mais l'opération va tourner au fiasco et même au ridicule. Le 3 décembre 1973, vers 22h15, André Escarot, dessinateur au Canard enchaîné, passe par hasard au 173 rue Saint-Honoré, devant les locaux de son journal, qui sont alors en travaux. À sa grande surprise, il voit à l'intérieur de la lumière. Il entre dans le bâtiment et aperçoit trois hommes en train de travailler, en apparence des plombiers, en réalité des agents de la DST, Direction de la Surveillance du Territoire. Le lendemain, un journaliste de l'ORTF vient sur place interviewer Escarot. Il y avait trois types en combinaison bleue, fermeture éclair, en train de travailler. Ici, deux postes émetteurs-récepteurs. Il y avait un fil qui courait ici. Les lames de parquet étaient enlevées. À ce moment-là, j'ai demandé à un des types « Quelle entreprise vous emploie ici ?» Et le type s'est troublé, m'a dit « Je ne sais pas, j'ai oublié le nom. » Je suis parti téléphoner. En sortant, je vois qu'un agent de police, revêtu de son uniforme, se trouve posté non loin de la porte cochère. Il a un talkie-walkie en sautoir. Et juste quand je passe, le talkie-walkie émet. Allô numéro 2, allô numéro 2, suivez le type qui sort d'ici. Sur une photo prise à l'époque, on peut voir Jean Clémentin, son éternelle pipe à la bouche, contempler goguenard les lames de plancher qui ont été soulevées pour poser des câbles et des micros. Malgré une plainte, un procès et plusieurs appels, l'affaire aboutira à un non-lieu. Mais les Français ne sont pas dupes. Le mercredi suivant, le Canard tire à plus d'un million d'exemplaires. Et l'année suivante, en 1974, la victoire de Valéry Giscard d'Estaing à l'élection présidentielle devra sans doute beaucoup au scandale des micros du Canard. Tout de même, à l'époque, la DST, chargée du contre-espionnage en France, affirme que certains membres de la rédaction du Canard sont, je cite, « soupçonnés de contact avec des agents d'une puissance étrangère ». Et dans Le Monde, on peut lire « Il serait reproché à l'un des journalistes du Canard des relations avec les pays de l'Est ». À la rédaction du Canard enchaîné, bien sûr, on rigole de ces déclarations. Des espions chez nous, quelle blague! Mais aujourd'hui, depuis les révélations sur Jean Clémentin, l'affaire prend une autre dimension. Interviewé par Vincent Jauvert, le journaliste de l'Obs qui a révélé l'espionnage de Clémentin, un ancien directeur de la DST le confirme. Bien sûr, à l'époque, nous nous doutions que Clémentin était un agent de la STB. Mais nous n'avions pas assez de preuves. En 1973, donc, les soupçons d'espionnage au sein du Canard ne sont pas pris au sérieux. Mais Jean Clémentin, lui, a-t-il eu tout de même quelques sueurs froides ? Un peu, peut-être, mais pas de quoi ébranler sa confiance et sa bonne humeur. Jean Clémentin, alias Jean Manant, se met à écrire des romans et vient régulièrement en parler à la télévision. Avec sa gouaille, il est de ce qu'on appelle dans le jargon journalistique un bon client. Le voici de nouveau à Apostrophe, l'émission littéraire de Bernard Pivot, qui, le 4 juin 1976, a invité une bande de joyeux de rire, parmi lesquels l'acteur Rufus, le journaliste Bertrand Poirot-Delpech, François Cavanna, le fondateur de Charlie Hebdo, et notre Jean Clémentin. Tous réunis sous l'étiquette de joyeux falsificateurs de l'histoire. Alors, nous avons eu deux falsificateurs. Vous n'avez pas protesté encore, non? Et maintenant, avec Jean Manand, nous voici avec un falsificateur du passé, du présent et de l'avenir. Lui, il met tout. Son roman, donc je répète ce titre, Le France, ce n'est pas ce qu'il y a de plus grand, c'est ce qu'il y a de meilleur. Phrase historique prononcée par qui? Giscard d'Estaing, je crois. Ah ben, pas dans votre livre, hein? Dans votre livre, la personne qui prononce cette phrase s'appelle le président Loubard de Mirobol. Alors, c'est un très joli nom de président. Oui. C'est un nom d'emprunt, tout comme l'autre. Hein. Oui. Mmh. Loubard de Mirobol. Dans les années 80, Jean Clémentin, toujours rédacteur en chef du Canard, abandonne l'actualité politique pour la critique littéraire. Mais en 1989, l'année de la chute du mur de Berlin, un drôle de hasard, le journaliste ex-espion de 65 ans tire sa révérence au journal pour se consacrer à l'écriture. Le jour où nous enregistrons ce podcast, Jean Clémentin est toujours vivant, âgé de 98 ans. Espion, une histoire vraie de Stéphanie Duncan est un podcast original de France Inter.